bien harmonisé. La basse présente est balancée, le chant puissant et engagé. Ce mic, ma patrie n'est jamais dans l'oubli. Et c'est bien souvent pour chaque chant de l'eau. I've got so long, the long, the long root sculpture. With the Jamaican sound in the French Highway. For the long, the long, the long root sculpture. With the Jamaican sound in the French Highway. Sculpture.